avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la Valodo. Ici Frédéric Barbouchy. Oui, ce que je viens de dire, c'est bienvenue à la balado diffusion, pas de problème. En compagnie d'Antoine Vézina. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Et Mathieu Lyon. Blip. Robot. Qui a remplacé Mathieu? Oui. Oui, Mathieu. Malgré les efforts de la mouette de s'intégrer à l'équipe. Ça pas marché, c'est quoi dans ça? La semaine passée. Oui! V'là 30 secondes. Elle parlait comme ça! Oui. On voyage pas encore dans le temps. Non! Alors! Okay. Nouveau problème cette semaine, un monsieur qui nous vient d'Alexandre Mackenzie Fauché. Lui, pas de problème! J'ai remarqué récemment que lors des soupers entre amis ou en famille, à la fin du souper, ma coupe de vin est toujours plus sale et grasse que celle des autres invités. Classique. C'est-tu moi qui sais pas boire et ou manger comme du monde? En tout cas, comment je fais pour que ça cesse et ne pas passer pour un rustre lors des soupers et événements sociaux? Merci, vous êtes bien fin, sauf Antoine. Ah! Il n'est pas écrit ça! Mais surtout, Antoine! Il pense... C'est vrai que c'est un grave problème, ça... J'ai remarqué ça, moi aussi, des fois. Des coupes grasses. Mm-hmm. Que se passe-t-il? Non, mais surtout quand tu... Mais ça arrive rarement, là. Mais tu sais, tu prends une gorgée dans le verre d'un ami, là, ou la blonde, ou... Puis là, tu fais... Ah, ça laisse des traces. Là, tu te sens mal. Est-ce qu'Alexandre se met du rouge à lèvres? Ben, c'était une de mes solutions. D'être... Le gars au rouge à lèvres, tu sais, dans sa gang d'amis, tu fais « Ah ouais, ben lui, pose-toi pas de questions, il porte toujours du rouge à lèvres. » Et là, t'as une raison de... De crotter tes verres. Ouais, c'est ça. Complètement. Tu t'habilles en femme, tout simplement. Lave-la. La semaine prochaine! Pour éviter ça aussi, Alexandre, je te suggère de te shampooiner la moustache un peu, si jamais t'as des longs poils. Ah, c'est un peu dans les cheveux, un peu dans la barbe, un brin dans la moustache. C'était du sébum de moustache. Exactement. La consommation de vin par habitant, par année, c'est où? La plus grande consommation. Au monde? Au monde. Verdun? Avec 62,02 litres par personne par année. France. Non, c'est... Je vous pose la question parce que c'est un petit peu étrange. Ouais, c'est ça. Non, c'est genre en Amérique du Sud. C'est ici, dans le parc Laurier. C'est dégueulasse. Tiens, on a un à coucher, là. Non, le Vatican. Ben voyons donc, toi. Oui! Le Vatican. Ah, parce qu'ils boivent la journée longue. Je sais pas trop, mais c'est le Vatican qui est la plus haute moyenne. Saint-Émilion. Ah, non, c'est... Mais comment, voyons, tout le monde est chippé là-bas. Ben, je sais pas, non, mais regarde, 62 litres par année, là, c'est pas... C'est 5 litres par mois, 5 litres par semaine, c'est pas tant que ça, là. Moi, j'avoue, c'est pas tant que ça. Par personne, par habitant? Excuse-moi. Par habitant, ça, c'est une moyenne. Il y en a qui trinquent puis beaucoup. C'est quand même un pays vieillissant, j'imagine. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants là, tu sais. Bon. Ah, c'est ça! Alors, se tenir au Vatican, c'est peut-être... Pas ma part, le Vatican, c'est n'importe quoi, ça. La France, j'ai passé une heure là-dessus. Mais oui, mais c'est ça, mais pourquoi? T'es pas déçu? Non! T'es-tu préparé, toi? Oui! T'es-tu déçu? Ah non, je m'excuse, je mets les podcasts en ligne! Non, mais... Non, on repartira pas ce débat-là, là. Non, mais... C'est une curiosité. Non, je comprends, Antoine. Mais j'imagine que le second pays serait plus le vrai... Mais c'est premier. Pas la France, en tout cas. La France, le deuxième. Non. Parce qu'au Vatican, justement, il n'y a pas d'enfants. Ils sont fatigants, eux aussi. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, tu sais, c'est... C'est dur, non? Ben oui, mais c'est ça, c'est une moyenne par habitant. C'est une vraie moyenne. Mais l'autre pays, il y a bien trop d'enfants dans ce pays-là. Non, mais dans l'autre pays, ça va être ça Monaco. Je sais pas si ils ont des coupes grasses hein, au Vatican. Je sais pas, mais l'idée, s'il y a un plus gros volume, je me dis que si c'est là que tu vas boire du vin, peut-être tu as plus de chances d'avoir des coupes grasses qu'ailleurs. Oui. Mm-hmm. En même temps, là, prenez-la pas, ma solution. Allez-y pas au Vatican. Je n'ai pas de problème, moi. Okay, il existe évidemment beaucoup de types de verres. Autant de verres pratiquement qu'il y a de vin et de région. Oui. C'est dégueulasse. Mais sinon, bon, les verres à vin principalement, les verres de dégustation, les verres de champagne, les trois grandes catégories là, qui nous intéressent. Mais après ça, ça part. Il faut des choses qu'on sait. Là. Il faut tenir, semble-t-il, notre coupe de vin par le pied. Oui. Pour le vin rouge. Ben, il dit le vin blanc aussi. L'idée, c'est que... Non, le vin blanc... Par le pied, le vin rouge, par le cul? Ben, ça dépend. Je pensais qu'il fallait mettre une main dans la coupe. C'est pas ça? Tu le pinces. Faut pas remplir sa main complète puis étirer. Non, ça, c'est les gin tonics. Excuse-moi, c'est les gin tonics. Et des gens qui s'efforcent de mettre leur vin à la bonne température pour te le servir, après ça, tu vas mettre ta main dessus, c'est sûr que tu réchauffes la patente. Mais au-delà de ça, en te tenant par le pied, même, tu peux déjà éviter le petit gras de doigt de chip. Oh! La petite bouchée volée. Ouais. Le riz de sushi collant sur le pouce. La luxueuse Lay's que tu viens de manger. À quel vin ils vont me servir avec ça? Il faudrait pas que je le réchauffe. Mais Antoine, j'ai en tête les espèces de grands calices médiévaux aussi. Là, tu sais, là. Tu savais quoi les chevaliers buvaient, mettons? Oui. Ou des grosses chopines de vin. Là. Ça paraîtra jamais. Là, que très belle idée. Tu peux arriver avec ta propre chopine en métal ou en bois. Oui. Je préfère boire. Ou un verre en carton, là. Tu sais, les petits comptes, là, chez le dentiste. Oui, ou, un petit compte. Tout le monde sort du compte. Non, mais tu as un petit verre de camping, là, qui est télescopique. Ouais. Tu fais, ah non, moi, je traîne ça. Tu peux demander de boire à la bouteille. Ma coupe télescopique. Ouais. Pourquoi pas boire à la bouteille aussi? Dire, moi, je trouve ça plus festif. J'ai l'impression que le party va plus lever si je bois à la bouteille. Chacun sa bouteille. On picole. Chacun sa bouteille. Fait que tu manges un bon filet mignon chic, mais tout le monde. Ou une petite paille coupée. Oui. Dans ton verre. Oui. La petite paille, c'est un classique. Ouais. C'est un très, très joli. Une écuelle. Quoi, vous n'avez pas vos petites pailles? Comment vous allez boire votre vin? C'est une soirée de cochon. Alexandre, une fine couche de papier saran wrap d'en face qui ne paraîtrait pas, bien maquillé là, au bout, avec un trou pour les lèvres. Comme ça ne laissera jamais aucun de gras. Tu reluis pas du tout. Non, tu reluis pas de la moustache avec un bon fini mât là, sur le côté. Je suis sûr que ça passe. Pour Jeannette Bertrand, ça passe. Pour éviter ce gras immonde autour des lèvres, peut-être qu'il pourrait saper avec la langue son vin. Ça serait Toujours la patente. Bon, évidemment, je suis sûr qu'il est au courant, là, mais il faut peut-être revenir à la base. La bonne vieille serviette de table, la bonne vieille serviette de table. Mais tu le fais quand? Chaque bouchée, À chaque fois que tu vas pour boire une gorgée de vin... Je pensais nettoyer ton verre. Non, mais la bouche... Mais écoute, son verre est une danseur. Avant de mettre ta bouche... Ça vient de quelque part. Vous, monsieur, à gauche, là, ressentez-vous un certain malaise dans les restaurants chics d'utiliser une serviette de table en tissu? Ah, moi, très à l'aise avec ça. Ouais, t'es correct. Ah, je me mets ça sur la jambe. Je suis heureux. J'ai eu l'impression que mon 25$ va être bien investi. J'ai l'impression que je me nettoie tellement souvent la bouche en mangeant que ça me gosse là, d'être obligé de lever ça. Hein? Je sais pas pourquoi. Comment ça te gosse? Ben, je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression, moi, j'aime ça, là, pouvoir avoir le loisir d'être de mauvaise manière puis de me moucher à un moment donné dans ma napkin. Mais là, ils envoient ça à des compagnies de nettoyage, là, c'est... Hardcore. Inquiète-toi pas, là, va faire caca dedans. Ben, trop tard, là, mais... ouais, mais on s'entend, dans les restaurants, il y a souvent quelque chose pour s'essuyer, là, même si on est capable ou non. Ouais, mais ça arrive qu'il n'y a pas ça. Ça arrive que les gens se trompent. Tu sais, moi, ça arrive des fois, ma tante, mettons, qui nous reçoit et qui essaie d'être chic dans l'affaire. C'est ça, je dis au resto. Elle nous met ses belles serviettes de tissu, mais il n'y a pas la napkin supplémentaire pour... tu sais, je commençais pas à m'enlever les morceaux de rose beef entre les dents avec une serviette en tissu. Là, de ta tante. Je ne fais pas ça avec. Ce qui arrive souvent, chez les particuliers, tu n'as pas de serviette point, là. Ouais. C'est pour la bonne franquette, là. Où ça? Chez qui? Chez quelqu'un, là. Ouais. Tu viens souper chez nous, là. À moins qu'on mange un burger, je te donne un bout de Scott Tower. Mais ça se dit, t'as-tu de quoi? Je mets pas de serviette. T'as-tu de quoi? Tu mets pas de... même pas de napkin. T'as-tu de quoi? Ben, ça dépend ce qu'on mange. Moi, je mets des ustensiles, puis le monde, il... Mais quand je soupe, là, disons, OK, je reçois pas, là. Moi, je soupe, ton bas de chemise. Ben, je mets pas d'affaires qu'on s'est sur la bouche. Parfait. C'est surprenant, ça? Non, moi, je suis plus de même, mais ma blonde, c'est pas le contraire. Mais tu prends pas une petite napkin, nécessairement? Tu prends une petite napkin? Non, bon! Non, c'est ça. Là, ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend ce que tu manges. Oui. J'aurais une autre solution. Peut-être que tu peux blâmer l'état de la coupe sur l'hôtesse, tu sais, en disant, mettons, ouais, j'ai bu dedans, là, mais la coupe était tellement sale, elle lave pas bien ses coupes. Presque ça, dans un restaurant, chez quelqu'un, un beau verre d'eau avec une trace de lèvres, de rouge à lèvres encore dessus. Ça arrive. Pas lavé. Ça arrive. Moi, ça m'écœure. Ah oh, oui. Au restaurant, au Mike's. Ça arrive tout le temps. Au Mike's tout le temps. Mike's! Don't get Mike's started. Mais moi, j'ai travaillé comme plongeur. Puis je peux vous dire là, que tu nettoies ton affaire, tu passes dans la machine qui pourrait brûler n'importe quoi, mais avec de l'eau. Et ça sort de là... Puis là, il y a encore une petite trace dessus. Tu fais, hey, elle, là. Elle voulait pas. Elle t'avait du rouge à lèvres atomique. Parce que c'est fou, là. Tu fais, c'est passé par toutes les étapes, puis c'est encore là. Ah oui, hein. Ouais. Fait que rouge à lèvres. La graisse végétale. Rouge à lèvres. Ouais, elle fait de ses pâtes à tarte avec sa bouche. Il reste un peu. Une autre solution pour pas que ça paraisse, quand t'as fini ton vin, tu échappes ta coupe par terre et tu la casses. Comme ça, personne va voir que tu l'avais sali. Puis tu cries un mot, tu sais, pour commencer une nouvelle tradition. Oui, genre... Coupa! Mazel tov! Changer avec la personne d'à côté. Personne ne va s'en rendre compte. Oui. La personne va aux toilettes, switch. Oui, tu sais, ça se promène, les verres de vin. Tu sais, le cocktail, ça se promène, tu déposes. Ah, j'ai plus ma coupe de vin, c'est à toi, c'est pas à moi, tu changes. Là, des fois, ils sortent des petites bebelles pour les identifier, là. Mm-hmm. Tu sais, tu mets une petite boucle dessus, là, l'hôtesse, l'autre, mettre des affaires. Ça, ça s'échange. Ou, tu, en créant de nouvelles traditions, en prenant ton verre, tu lèches tes doigts, hein, puis là, tu fais le tour de ton verre avec. Oui. Tu salis avant de boire. Tu fais, j'ai entendu dire que c'était meilleur. Ouais. Là, tout le monde le fait. Oui. Et tout le monde salit sa coupe avant. Oui. Aïe, aïe. Tu sais, les mauvaises scènes de danse là, des films des années 80, ouais. Ken Boy Me Love, où tout le monde décide de faire la même chose comme si c'était cool. Ah, oui, ah, c'est ça qu'ils font, là. Je vais le faire aussi. Il y a des pubs, faites là-dessus. Ouais, non, fou, mais ou le jeu du verre le plus crotté. C'est une longueur d'avance. Jeu du verre le plus crotté, roulement de verre. Souvent, c'est quand on va changer de vin, on va changer de verre. Mm-hmm. Tu peux peut-être amener une coupe de bouteille au cas où. Ah, ce serait le fun d'essayer celle-là. Hey, ça vous donne de changer mon verre, parce que je voudrais goûter, pas mélanger, les cépages. Sinon, peut-être qu'un médecin bucco-dentaire pourrait, genre, tu sais, identifier une cause médicale à ton problème de gros de bouche. Là, mais est-ce que tu l'amènes à tous tes soupers? Il est là, il est à côté de toi. Non, mais tu le consultes avant, le souper. C'est peut-être la salive excessive aussi. Oui, c'est ça. Ami. Tu manges chez eux. Ouais, fait que peut-être que oui, c'est tes glandes salivaires. Peut-être très baveux. Ouais. Il est peut-être baveux. Ouais. C'est un baveux, ça. Un petit baveux. C'est ça. C'est des petits baveux. Je vais pas me faire penser. Ouais. Fait que. Ou y aller au fort. Ah, ben oui, direct. Là. Pardon. Moi, c'est ça, mais j'imagine qu'il salit ses verres aussi, non? Ouais. Peut-être pas. Tu sais, sur une coupe, on dit, ça paraît peut-être plus. Tu sais, dans des petits bols de céréales d'enfant, là, ça m'en fait bien plus. Mon bol est plein. Ben oui. Ah, tu demandes un petit verre, là, à l'italienne. Une gourde en plein carré, là. Ouais. Non, moi. Ah, non, merci pour la coupe. Petit verre. Un genre de petit cristal. Moi aussi, j'aime ça. Ça me rappelle ma jeunesse. Moi aussi, j'aime ça. Il y a des coupes de couleurs aussi. Tu peux les donner en cadeau quand t'arrives au souper. Ah, t'arrives au souper, donne des coupes rouges. Tu fais, oh, on peut les utiliser tout de suite si vous voulez. Là. Ah là, oui! Finalement, crotte pas l'affaire. Les coupes, les mailles sur cuivre. Oui, il y a ça. Oui. Il y a des coupes aussi l'été, là, un peu garden party, ouais, là, avec des fleurs dessus. Oui, en plastique. Peut-être juste aller souper avec des amis pendant l'été. Qui vendaient dans des stations-service. Exact, ils donnaient chez Ultramar. Ouais. Bon, pour moi que ça paraisse, mais écoute, tu fais ta mise à patente à un moment donné. Là. Ton verre commence à être sale. Tu vois, on se donne bien. Hey, juste des chandelles, la gang, comment? Oui. Là, à côté du verre, ça paraît plus. Là, tu OK, non, enlève la lumière. On peut-tu trouver un entre-deux? On change de place. Je m'occupe de la vaisselle. Tu parles avec ton verre. Puis il y a des types de soupers de repas de mets dont l'attention est ailleurs. Mettons une raclette ou une fondue. Tu regardes là, pour la fondue, tu regardes la raclette, tu regardes pas les coupes des autres. Non, il y a du dégât un peu partout. C'est magicien. T'attires l'attention. Ouais, là, tu dégoûtes ça en air, tu crises des affaires à terre. Un peu de feu pour une fondue bourguignonne. T'en échappes sur toi, la coupe, personne ne va jamais l'avoir. On va dire, quel gros cochon. Une perruque de clown. De très longs cheveux qui cachent la perruque quand tu bois. Très bon. Ou des cheveux qui vont dans la coupe et qui nettoient le gras excédentaire. Y a-t-il des petites jupettes à coupe qu'on pourrait... Ah, c'est drôle. Inventé. Une voilette de coupe. Une coupelette. J'aime ça. J'ai mimé, là. J'ai pas juste fait nip, nip. Ouais, non, j'ai juste fait nip, nip. On se demandait c'était quoi. Il essayait de voler le vélo. J'ai mimé il a quelque fait chose. Nip, nip, là, comme Roadrunner dans Un gars, une fille, là. Il a comme pogné mes totons en faisant nip, nip. J'ai pas pogné tes totons. T'as pogné mes totons. Goujat. Je suis épuisé. Goujat. Bon. Goujat. Attends, t'as-tu encore le problème? Oui, c'est à chaque fois que je vais dire ça. Non, parce que là, on a essayé de, justement, changer le focus, changer le verre. Dégraisser sa bouche. Dégraisser sa bouche. On pourrait mettre une particule dans le verre qui, sur lequel le gras ne tiendrait pas. Tu sais, mettons, il y a déjà du savon à vaisselle. Ça doit être du bon vin. Fait que là, ah oui, délicieux. Ouais, tu t'arranges pour que ça ne souille pas le vin. Là. En teflon, un verre en teflon. Faire en teflon. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu mets une Magic Ball, là. C'est ça là, l'affaire que tu crées, ou Magic Diamond. Là. Mais attends, si... Mais tu traînes une petite affaire, pas infrarouge, là, mais bleu, là. Oui, oui, oui. Une lumière bleue, là. Ouais, tu vas peut-être voir des choses sous le non, non, mais toi. C'est ça. Mais quand quelqu'un fait « Hey, ton verre est mal grotté », tu fais « Attends, tu vois, le tien, on dirait qu'il n'y a rien, hein, mais regarde. » Ah, ben, il n'y a rien. Ah! Impeccable, bravo. Impeccable. Il est non, c'est sûr qu'il va y avoir plein d'affaires, mais le monde va faire « Ah, OK, tous nos verres sont tout le temps sales comme ça. » Mais attends. Tu spots la personne que le verre le plus propre, mais il faut, t'sais, faut vraiment que tu te poses, t'sais, elle a bu, là. Il faut que tu te poses la question comment elle a fait. Tu vas la voir, tu dis « Excuse-moi, j'aurais besoin d'un mentor. Peux-tu m'aider à pas salir ma coupe? » Puis là, elle va te dire « Ben, c'est normal, je suis enceinte, puis j'ai des petites lèvres minces, minces, minces. » Tu bois de l'eau. Ben oui, c'est-tu la grosseur de ses babines? Il y a peut-être l'attaque du verre. Il y a peut-être l'attaque? Moyen de serrer un peu la lèvre. Ouais. Au lieu de goulûment. Ouais. Il y a moyen de s'habituer aussi à ne pas toucher le verre quand on boit. Ouais. Ah oui. Facilement. Comme quand tu bois du Gatorade. Comme quand tu bois dans la bouteille de quelqu'un d'autre. T'en fais un peu d'en face, là, puis surtout. 2 mm d'espace. Mais tu sais, pas de maladie. Tu y vas pas avec les mains, tu y vas avec les coudes. Non, ça marche pas. Je suis pas grave. Alexandre, je pense que j'ai la meilleure solution au monde. Proposer à tes amis, si jamais tu vas chez eux ou tu reçois chez vous, une soirée un peu dégustation de vin dans laquelle il faut laver les coupes à chaque fois. Ah! Peut-être, mettons, acheter 8 demi-bouteilles de vin pour que tout le monde fasse juste goûter au vin. Il faut toujours rincer les verres et les nettoyer entre les deux. Donc, comme ça, tu n'es pas pogné avec le même vin puis ton verre. Ouais. Ta meilleure solution au monde? Je pense que c'est la meilleure solution de l'histoire de pas de problème. Ah, toi, t'en avais pas parlé. Ça et la carotte dans la face. Hein? T'en avais pas parlé? Non. Ben, pas de, changer, de dégustation, mais d'amener une coupe de bouteille. Ouais, ah, tiens, on essaie un nouveau verre, il faudra changer de verre. Demi-bouteille. Ça va encore plus vite. Tout le monde y goûte. Et il se fait-tu des corps de bouteille? Il se fait des corps de pain. Des corps morts. Des corps de livre. Des corps ta vie. La la la la la la la la la la la. Oui. D'accord, ta vie. C'est vrai que Saskia, tu as. Oui, ta chum. Exact. Saskia. Ta bonne chum de femme. L'ami d'Antoine. Alors, je pense qu'on... Hein, on lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance. Moi, ma solution préférée, c'est de s'essuyer à la bouche constamment. Même avec... Gossant, là. Ouais. Puis, quitte à demander, Antoine, tu sais, peux-tu me trouver une serviette, là? Come on. Oui, c'est là. Pas chez eux, là. Tu sais pas comment recevoir? Ouais. Donne-moi une serviette. Arrête, ta bonne franquette, tu débarques ici. Mais donne-moi une serviette pareil! Ouais. Moi, c'est vraiment les déclinaisons créatives que tu peux trouver dans des sortes de verres ou sortes de coupes. Une gourde en cuir. Une gourde en cuir! Hey, c'est fait en estomac de mouton. J'aime ça. D'un côté, t'as ta gourde, l'autre côté, ta cornemuse. T'es prêt pour ta quête, mon jeune ami. Un petit tonne avant de partir. Ouais. Un petit tonneau. Ouais. Un Saint-Bernard. Petit tonneau avec le petit robinet. Oui. Tout simplement. Oui. Il est à côté de ton souper, là. Ou, là, tu sais, le casque là, avec les deux bières. Tu mets tes deux coupes de vin, là. Oui. Ton petit système de tuyau. Tu fais, hey! Classique Porky. Oui. Bonne fin de soirée. Les verres ne seront pas sales. Pas sales. Toi, tu vas être dégueulasse. Si vous avez un problème, comme Alexandre, ou un autre, hein, vous pouvez nous écrire sur Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Pinterest, Instagram. La poste. Et la toile du Québec. MySpace. La toile du Québec. La toile du Québec. C'est dégueulasse. Bon. Ou courriel, hein. Pas de problème, @gmail.com. Voilà. Le mot de la fin, Jean-Philippe. Vous avez un problème. Nous avons un podcast.